À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, se sont déroulés un séminaire sur ses exploits et une exposition de livres et de photos dans la ville de Saint-Pétersbourg et une exposition de livres et d'objets d'artisanat coréen dans la ville d'Arseniev du territoire maritime de Russie. Y ont participé des personnalités de divers milieux et habitants de Russie. Dans les salles de cérémonie étaient exhibées des photos du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un, des œuvres classiques des grands hommes Paektosan, des livres et photos présentant la Corée Songun, ainsi que des objets d'artisanat empreints de l'intelligence et du talent du peuple coréen. Par ailleurs, à la même occasion, ont eu lieu des séminaires sur les exploits du président Kim Il-sung en Allemagne, en Suède et au Népal. Lors des séminaires, on a adopté des messages à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.